Je pense à toi comme on pense à la mer qu'on a aimée sans s'y baigner un jour. J'y pense aussi comme on pense à la terre qu'on a quittée sans y semer un jour. Je pense à toi comme on pense à l'orage qui a grondé sans éclater au jour. J'y pense aussi comme on pense à son âge qui a changé sans que changent les jours. Je pense à toi un peu comme aux nuages qui passent et sont déjà à l'horizon. J'y pense enfin comme à ce grand mirage qui aurait pu être l'eau pour de bon.